son regard noir comme le café. Café. Café. Elle portait un peignoir et l'on distinguait son épaule dénudée. Se lever le matin.